rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Black M. Passez une bonne soirée jeudi soir avec Black M. Yeah. De retour à quelques jours, maintenant 4 jours de la sortie de l'album. J-4 avant le 31 mars, avant la sortie des yeux plus gros que le monde. Exact. Qu'on peut toujours précommander. En plus, la bonne nouvelle, c'est que chaque fois on précommande, par exemple aujourd'hui, on a encore un titre. Aujourd'hui, encore c'est un fou. Titre. Encore c'est un dingue. Titre. Ouais, aujourd'hui, ça va être le morceau Le Regard des gens. Qu'on pourra écouter tout à l'heure dans l'émission. On pourra écouter les morceaux qu'on a passés là depuis le début de la semaine. Ils ont eu un gros succès. Lundi on avait balancé Sur ma route. Mardi on a balancé le morceau avec Dr Berries. Hier c'était Casse pas ton dos. Ils ont tous reçu un énorme succès. Merci à tous les Wattie soldats. Et aujourd'hui c'est reparti pour être la même chose avec ce morceau qu'on pourra découvrir tout à l'heure. Yes. Et dont tu nous parleras tout à l'heure, qui s'appelle Le Regard des gens, qui est sur l'album de Black M, Les yeux plus gros que le monde. Ça sort 31 mars. Et en précommande dès maintenant, allez cliquer. Précommandez, cliquez. Bon, tout va bien? Tout va bien, ouais. Que va-t-il se passer ce soir, hormis le morceau Le Regard des gens? Ben, ce soir, j'ai décidé de laisser un peu les petits refrains prendre le contrôle de l'antenne. Ils vont freestyler. Je suis avec le groupe Black Shoot. Yeah, Black Shoot. Yeah. Du 13e arrondissement. Donc c'est qui alors les Black Shoot? Les Black Shoot, c'est mes petits refrains. Il y a mon petit frère dans le groupe. Donc frère de sang, hein, ouais, frère de sang. Il y a mon petit frère dans le groupe. Ça fait un moment il rappe. Et bah voilà, ils persistent. Donc moi je me suis dit, vas-y, ils ont la dalle. Je vais les inviter. Ils vont faire un gros freestyle. Et c'est pas les seuls, il y a aussi les mecs, je sais pas si tu connais Dans le Quartier. Bah oui, Dans le Quartier bien sûr. Voilà, je les ai invités aussi. Il y a deux rappeurs dans le groupe. Et ils vont montrer ce qu'ils sont capables de faire ce soir. Donc c'est un petit peu les nouveaux talents, la nouvelle génération, comme on dit tout le temps. Exactement, ouais. Donc c'est les nouveaux talents, et à côté de ça, c'est du rap que je kiffe. C'est ce que tu kiffes aussi, ouais. C'est du rap que je kiffe. Bon, et ben on va découvrir tout ça, on va parler aussi avec eux ce soir dans quelques minutes. Yes. Et comme chaque soir, on débute avec l'inévitable Madame Pavoshko. Madame Pavoshko. Madame Pavoshko, le clip est arrivé lundi, pareil. Clip. Carton. Le clip fait un véritable carton, le clip de Black M. Ouais. Allez, c'est parti, Madame Pavoshko. C'est parti. Ice Cube est au platine comme chaque soir aussi. Yeah. Hello. You. Ce son est une dédicace à Madame Pavoshko. Vous vous souvenez? Monsieur Diallo. Aïe, Madame Pavoshko, non. Je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, so oui, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Et ça fait solo, tête sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment, mais le fire. Vous vous souvenez d'Ouam, le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. Fuck le délégué, dites-moi où est le mic. On dirait qu'on m'a pouca, wesh, do M9. Ma vie, les cours, oui, je m'en bats. Les oui, je sais, c'est dommage. Du coup, vos surveillants sont contre moi. Ah, aïe, Madame Pavoshko, non, j'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, sous weed, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Solo, tête sous l'eau, j'me suis dit, c'est le moment, mais le fire. J'ai trop fait d'aller-retour au rectorat. Vos discours dans ma tête, j'en ai fait une vraie chorale. Toi tes épaules dans ton bureau, tu me dis va bricoler. Et moi au lieu de te gifler, je préfère en rigoler. Dès que nos regards se croisent, hop, adrénaline. Oui je sais, j'ai pas calculé le prof de mathématiques. J'analysais un de ces fameux couplets, Ouna qui kiquait. Oui je sais, madame le rap a failli gâter ma vie. Aïe, Madame Pavoshko, non. J'suis pas en prison ou à l'hosto. Non, j'fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavoshko. C'est pour mes gars, sous weed, Madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet, Madame Pavoshko. Je me suis juré qu'un jour, vous danserez sur mes sons. À une époque, je voulais me procurer un Smith & Wesson. Une petite voix me chuchotait, vas-y, tire sur les codes. Ça fera une petite anecdote, la directrice elle est conne. Pourquoi ce compte de surveillant me demande de vider mes poches? On est pas au poste de police, et moi je suis fidèle au poste. Mettez-moi vos heures de colle, même allez prévenir vos collègues. Vous avez qu'à être en colère, c'est nous les restats du collège. Oui, aujourd'hui ils diront que je ne rappe que pour les types. Que pour le fric, quel drôle de type. J'irai même t'y con, dirait mes petits cons qui s'imaginent avoir la force de King Kong. Enfin bref, aïe madame Pavoshko, non, j'suis pas en prison à l'hosto. Non, j'fais des hits madame Pavoshko, et vos gosses me kiffent madame Pavoshko. Oui, oui, oui, oui, madame Pavoshko, j'ai toujours autant d'inspi madame Pavoshko. C'est pour mes gars, so oui, madame Pavoshko. Si vous voulez, on se tweet madame Pavoshko. Solo, t'es solo, j'me suis dit c'est le moment, même fire. Oui, j'ai pas eu mon bébé. Oui, j'ai pas eu mon brevet. Oui, mais je vous remercie. Vous m'avez donné la force de réaliser l'un de mes rêves les plus fous. Ah, les yeux plus gros que le monde. Ah, à suivre. Ouh. Ah. Madame Pavoshko à l'instant, Black yes. M, notre invité, et ce morceau tu fais référence d'ailleurs puisque ce soir on a dit voilà c'est la nouvelle génération qui va kicker. Yes. Dans quelques minutes on va les présenter aussi ceux qui sont venus avec toi, mais toi tu fais référence à Nak dans le morceau. Ouais je parle de Nak, bah tout simplement. Madame Pavoshko, il faisait partie ouais, des gens que t'écoutais donc. Exactement. Quand j'étais en cours, il faisait partie des gens que j'écoutais au fond de la classe. Et tu dis c'est quel texte. C'est marrant d'ailleurs parce que je l'ai rencontré, on s'est rencontré il y a pas longtemps et il était honoré, il était super content de la dédicace. Vous connaissiez pas, vous étiez jamais croisé? Non. Auparavant? Non, jamais auparavant. Juste je l'écoutais, il savait pas que je l'écoutais. Bon, il y avait quoi aussi qui tournait à l'époque? Beaucoup. À l'époque, il y a énormément de trucs dans mes oreilles. Le secteur A. L'AFF, plein de trucs, plein. Si je me rappelle Cynique aussi, on le saignait. Mm-hmm. Plein de trucs, plein de choses différentes. Donc plein de références. Énormément de rap français. Plein de rap français. T'écoutes encore beaucoup de rap français ou pas là? Ouais, quand même, ouais, j'écoute du rap français, alors, on va pas se mentir. Ça arrive pas à t'influencer ou t'arrives à prendre du recul justement quand t'es en studio, Oui et non. Après, j'ai mes inspirations personnelles, mais c'est pas le rap français qui m'inspire en vrai. Je les écoute parce que j'aime ça, mais j'ai mes inspirations ailleurs. C'est quoi? Par exemple, en ce moment, il y a. Beaucoup de sons à Quinry, énormément. Moi je suis un grand fan d'Eminem, je le répète tout le temps assez souvent, j'écoute c'est ça vrai. Assez souvent. T'as aimé le dernier album par exemple? Ouais, le dernier album je le saigne. Même s'il a pas eu un carton de ouf, non, il a pas eu un carton de ouf. Ouais, il a bien marché quand même celui-ci. Hein. Bah je l'ai saigné en tout cas. Ouais, il a bien marché quand même celui-ci. Tous ses sons je les saigne. Et après, les mecs de Philly j'aime beaucoup aussi. Mick Mill, tout ça. Ouais, toutes les cliques, toute la clique. Ouais, toute la clique. Même si je dis fuck Maybach. Oui, j'allais te demander en fait. J'écoute. Maybach, le label justement de toute la clique, de Rick Ross aussi. Ouais. Rick Ross, dernier album par exemple, t'as parlé ou pas trop? Non, celui-là sans Gabos. Plus. Je suis pas trop Rick Ross. Ça c'est mon gars Debeng. Ça. Gabos, nigga. Il a retenu l'expression Gabos. Debeng, ouais, plutôt fan de Rick Ross. C'est mon gars Debeng. Ça va ou quoi, frère? Ça va, oui, je t'ai pas salué, c'est vrai. Ouais, non, aujourd'hui je suis discret, j'attends. Je suis observateur, j'attends que Black shoot le micro. Tu vois. Black Shoot. T'as vu comme ils sont là, les Black Shoot, ils sont là. Ils sont l'aura, tu vois. Ils sont tout calme pour l'instant, mais je pense que c'est le calme avant la tempête. Ouais, mais je le sais, on le sait. Tous les gens qui sont là, ils sont déterminés. C'est pas la première fois qu'ils viennent, donc tranquille. Toi, tu savais que ton frangin justement rappait ou pas? Ouais, si, je savais. Bien sûr. Où il s'est planqué pour aller. Non. Au début, il s'est planqué un peu, mais ça s'est vite su rapidement. Dans la famille, il y a beaucoup aussi qui font de la musique? Non, on est que deux. Vous êtes que deux? On est que deux. Toi, t'as une pression forcément quand tu vois le frangin. Bah ouais, c'est pas facile de passer après. C'est jamais simple. On est que deux, ouais. C'est Mais ça va. Ouais, ils sont prêts. Bien sûr, je suis archi prêt comme jamais. Et Joe et Slayri aussi, ils sont prêts, mes gars. Bah justement, qui nous présente le groupe Black Shoot? Alors, vous êtes combien? Vous êtes trois dedans? Yes, ouais, on est trois en fait dans le groupe. Avec Slayri en fait qui vient du 18. Tiens, parle bien le micro, ouais. En fait, il y a Slayri qui vient du 18. Et il y a moi et Zerfrey en fait. Bye boy. Zafri qui vient du 13 en fait, Glacière. Vous avez sorti des choses déjà, on peut vous écouter un peu? Ouais, ouais, on a sorti pas mal de trucs, hein. On a fait, ça fait 3-4 ans qu'on est actif, on sort des mixtapes sur internet gratuites, etc. Mm-hmm. On participe à plein de projets, des projets qui réunissent tout l'arrondissement. Mm-hmm. On a été invité par pas mal de beatmakers dans des mixtapes, des compiles, plein de trucs. Donc là pour vous suivre c'est quoi? Donc là pour nous suivre il y a notre Twitter, @blackshoot75. Donc blackshoot75. Voilà. Il y a notre Facebook, Blackshoot. Et voilà. Hein. Bon, on arrive là, courant 2014, on va sortir une mixtape, un EP. Yes. Et voilà. On va arriver dessus. Lourd. Tu fais quoi? Tu les laisses bosser, toi, Black M? Je les laisse bosser, moi, c'est ce que je leur dis tout le temps. Ou tu jettes une oreille régulièrement dessus? Ils m'envoient assez régulièrement des choses. Et moi, j'aime bien être difficile avec eux. Il est dur? J'aime bien être difficile avec eux, mais. Cool. Il est dur, ouais, mais t'inquiète, dur. On va le surpasser. T'inquiète pas qu'on va le surpasser, il va arrêter d'être dur. Bon, en même temps, c'est marrant parce que toi, en plus, t'es pas très vieux, mais d'une génération à l'autre, c'est vrai que c'est vraiment la génération Internet. Ouais. Moi, je me souviens que l'époque de Section d'Assaut, ça vendait les CD plutôt dans la rue. Etc. Oui et non, attention, ouais. Nous aussi, on est arrivé. Oui, vous êtes... Franchement, c'était l'époque d'Internet aussi. Hein. Mais il y a eu la grande époque voilà, où il y avait le vent. Voilà, ouais, il fallait vendre dans la rue, machin, etc., les CD. Exact, ouais. De main à la main. On allait dans les quartiers, on vendait nos CD de main à main. Et ça marchait bien. Bon bah vous là c'est pour l'instant mixtape gratos sur internet, on peut suivre Blackshoot. Voilà, exactement, c'est ça. On vous aura en live dans quelques minutes. Yes. Black M, qu'est-ce qu'on met comme morceau alors maintenant? Est-ce qu'on met le morceau tout de suite qui a été balancé pour ceux qui ont précommandé l'album? Ouais, je me ferais bien ça là tout de suite. Donc, le regard des gens. Il s'appelle Le Regard des Gens. C'est Le Regard des Gens. Tu veux nous dire un mot sur celui-ci, comment il est né? Viens on l'écoute d'abord. D'accord. Viens on l'écoute. Et bon, on l'écoute maintenant, Le Regard des Gens, c'est extrait de cet album de Black M. Et la sortie c'est dans 4 jours maintenant. Les gens me regardent bizarre. Les gens me regardent bizarre. Si j'ai fait du mal, dites-moi. Les gens me regardent bizarre. Et j'ai tellement peur au final. Les gens me regardent bizarre. Comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre. Et ils m'entendent mais ne m'écoutent pas. Les gens me regardent bizarre. Si j'ai fait du mal, dites-moi. Les gens me regardent bizarre. Et j'ai tellement peur au final. Parce que je ne marche pas, je roule pourtant le cœur en paix. Je me sens marcher dessus comme si je rampais. Je suis des vôtres, sauf que je ne marche plus, c'est tout. Je suis ce qu'on appelle un obèse en surpoids. On se moque de moi et ma démarche une fois sur trois. À chaque rentrée de classe j'ai l'impression que le monde s'écroule. Les regards sont durs, alors je baisse constamment le mien. Je frise les murs, quand y'a personne je m'en frotte les mains. Et je me dis c'est peut-être ma faute. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même si c'est ma faute. Mais pour moi que Dieu me pardonne, oui, c'est ma faute. Sûrement j'ai pas les bonnes paroles et je ne comprends toujours pas pourquoi. Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre et ils m'entendent mais ne m'écoutent pas. Les gens me regardent bizarre, si j'ai fait du mal dites-moi. Les gens me regardent bizarre et j'ai tellement peur au final. J'ai la taille d'un enfant de 7 ans. Étant plus jeune, j'attendais que mon corps s'étende. Quand je fais les cours, je demande de l'aide au plus grand. Pas le choix, c'est trop haut, et puis j'ai plus le temps. J'ai pris de l'âge, m'assume totalement. J'ai une femme en or, c'est bon, je me tue plus haut calmement. Et c'est fou comment les gens nous poussent à devenir fous. Je suis sur mes gardes, me demande pas de pas calculer. Vos regards sont des coups de poignard. Je suis différent, je vais assumer. Un peu comme si j'étais un bagnard. Ça fait mal, quand tu vois que personne t'écoute, oui ça fait mal. Oui parfois le monde me dégoûte, j'ai tellement mal. Au point de ne plus sentir les coups, et je ne comprends toujours pas pourquoi. Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre, et ils m'entendent mais ne m'écoutent pas. Les gens me regardent bizarre, si j'ai fait du mal, dites-moi. comme toi. Non, tu ne veux pas me comprendre. Je suis dans un réel combat. Tu sais, je suis pas si différent. J'ai un cœur comme toi. Non, tu ne veux pas me comprendre. Je suis dans un réel combat. Les gens me regardent bizarre, comme si j'étais coupable. Les gens me regardent bizarre, hey, ils m'entendent même, n'écoutent pas. Les gens me regardent bizarre, si j'ai fait du mal, dites-moi. Les gens me regardent bizarre, hey. Yeah. Le regard des gens. Le regard des gens à l'instant. C'est vrai, yes. On aurait pu penser à un morceau avec ce titre, un morceau un peu égocentrique, en se disant le regard que les gens ont sur toi. Ouais, non, je suis parti dans autre chose. Mais dans autre chose, ouais, avec ce morceau. Ouais, et ce morceau, il a une petite histoire quand même, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai écrit à peu près en même temps que Ailleurs. Là, ça veut dire l'année dernière. Et à la base, c'est pas un morceau reggae. C'est pas du tout un morceau reggae, c'est quelqu'un de c'est Baraka Adama qui m'a conseillé de mettre une de ramener une autre touche, une autre vibe. Ouais, une autre vibe, et il s'est transformé en reggae. Et même le thème à la base, j'avais le refrain exactement ce même refrain là, mais les couplets c'était pas les mêmes, tu vois, c'était plus personnel. Ouais, d'accord. Et c'est lui qui m'a dit élargis le truc et on est parti dans un truc plus loin, et j'en suis très très fier. T'es fier de ce morceau, ouais, justement, où c'est le regard des gens et qu'on peut avoir sur la différence, quoi, sur les autres. Exactement. Voilà, ouais, c'est totalement ça le thème. Donc inspiré un petit peu par Baraka Adama, ou du moins qui a permis d'ouvrir le morceau. Et ça rejoint le concept les yeux plus gros que le monde. Les yeux plus gros que le monde. Et il y a beaucoup d'ailleurs d'autres membres de la section qui ont bossé aussi sur l'album, ou voilà, qui ont pu donner des idées. Quand j'y bossais, c'est voilà, de filer quelques idées comme ça, ou plus ou moins, ouais. Ouais, plus ou moins, ouais. Maska, il m'a aidé, même JR, même tout le monde, en vrai, tout le monde. Même dans le Watibé, carrément, on est soudés toujours. Les gens, ils ont l'impression qu'on est plus ensemble. Soudés, le truc. Bah, parce que c'est normal, dès qu'il y a un solo qui sort, c'est forcément le début de la fin, mais ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire du tout. D'autant plus que vous avez annoncé pour 2015, on a déjà le nom du prochain album, hein. Exactement. Vous l'aviez annoncé dans Planète Rap, ouais. Le Retour des Rois. Ouais. Je me souviens, donc on attendra 2015. Surprise. En attendant, Black M, il balance plein de surprises. Et ça, c'était le morceau du jour. Le regard des gens. Bah, tu précommandes, tu reçois le morceau directement sur ton iTunes. Donc allez-y dès maintenant, avant de la sortie physique, hein, c'est le 31 mars, avant 31 lundi mars, ouais. Avant d'avoir tout l'album, même pour ceux qui ont précommandé l'album, pour avoir l'intégralité des morceaux. Et bien là, vous êtes déjà régulièrement, tous les jours il y a des nouveaux morceaux qui apparaissent sur vos portables, sur vos tablettes, sur vos ordi. Exactement. Un peu partout, donc n'hésitez pas à précommander. N'hésitez pas. Les yeux plus gros commandes. D'ailleurs, tu pars aussi en mini-tournée, hein, je pars en mini-tournée de lundi. Ouais, à partir pour aller lundi, rencontrer les gens. J'ai pas mal de dates, ouais, je peux les donner maintenant. Vas-y, ouais, bien sûr. Ok, bon, c'est parti. Le lundi 31 mars, ça se passe à Paris à la Wati Boutique. Mercredi 2 avril à Lille au Foot Corner. Vendredi 4 avril à Montpellier, ça sera la boutique officielle du club de foot. Samedi 5 avril à Marseille à la Wati Boutique. Mercredi 9 avril à Toulouse au Météorite. Vendredi 11 avril à Lyon au People Wear. Samedi 12 avril à Bordeaux au California Dream. Mercredi 16 avril à Beauvais, Cacheville. Vendredi 18 avril à Rennes au Project Store. Vendredi 25 avril au Havre, au Foot Corner de mon gars Baraka Adama. Samedi 3 à Béthune à Intersport. Et le samedi 17 mai à La Rochelle à Intersport. Donc voilà, on sera là. Black M, on vous refilera les dates. Pointez avec votre CD, on vous offre un t-shirt collector. T-shirt collector avec le CD. Yes, avant l'épuisement des stocks, donc allez-y, allez rencontrer Black M près de chez vous. Venez nombreux. On refilera les dates avant la fin de l'émission. Moi, j'ai une petite question à vous poser pour repartir avec l'album dédicacé. Alors attention. Une nouvelle question pour ce soir. Très simple. Vas-y. On en a parlé un petit peu cette semaine, donc j'espère que vous avez bien tout noté. 41759 pour la réponse ou avec le hashtag Black M sur Skyrock. Quels sont les featurings dans l'album Les yeux plus gros que le monde? Enfin, les noms des personnes qui sont avec toi sur les featurings. Les noms des morceaux et également les featurings. Donc allez-y. Allez-y. C'est une question un peu technique. Il faut avoir le nom du morceau plus les featurings. Quels sont les feats dans l'album Les yeux plus gros que le monde? Mais si vous avez bien suivi cette semaine, c'est facile, ça devrait être difficile. Allez-y. On revient dans un instant, bougez pas, Black M, qu'est-ce qu'on passera dans quelques minutes? On va se repasser sur ma route, on va pas passer ce soir. Très bonne sur idée. Ma route, on va se mettre sur ma route. Sur ma route, ça arrive, bougez pas, le retour du son, le retour de Planète Rap avec Black M, c'est dans un instant. Yes. Choisis Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Black M et l'album Les yeux plus gros que le monde, sorti lundi dans les bacs à Paloupé. Sorti de cet album avec en plus alors plein de choses sur cet album puisqu'il y a le retour de la réalité augmentée. Il y a le retour de la réalité augmentée. Ouais. On en est parlé, je crois que c'est avec The Shinsekai qui avait qui avait lancé ça avec l'application Watibé en fait. Watibé voilà. Réalité augmentée, voilà, c'est une application que tu télécharges gratos. Et une fois que t'as le CD et tu pointes l'application sur le CD vers la pochette. Vers la pochette, ouais, excuse-moi. Et t'as une petite surprise dont je vais pas parler, ça reste une surprise. Ah. Et ouais, voilà, des images exclusives. C'est une bonne idée cette application, la défense en plus cette application. Ouais, ça tue sur Shinsuke, ça avait bien marché et là on a fait un bon truc aussi, les gens ils vont être surpris. Donc. Ça marche aussi avec les affiches dans le métro ou les grands trucs que tu vois dans la rue, les posters, les stickers, ça marche partout. Donc, dès que tu vois la pochette en fait. Si on voit la pochette de Black M, on envoie ça. T'as la surprise. Et vous avez la surprise avec. Donc n'hésitez pas à aller télécharger, elle est gratos, l'appli, c'est Watibé réalité augmentée. Exact. Vous la trouvez partout sur Android, évidemment sur l'Apple Store un peu partout. Et on va écouter un morceau. Donc ça c'est un morceau qu'on a pu découvrir en début de semaine. Ouais. Un titre qui s'appelle Sur la route, un des gros morceaux de l'album. Sur ma route. Je le redis encore. C'est l'un des gros morceaux, gros morceaux de l'album. Et qui conclut d'ailleurs l'album. Hein. Ouais. Il conclut le CD. Je l'ai fait exprès. C'est une conclusion. C'est un résumé un peu de cette vie. Et ben on écoute ce morceau maintenant. Il y aura le freestyle par téléphone, un gros freestyle avec Black Shoot. Gros freestyle Black avec Shoot. Aussi dans le quartier, en place qu'on va vous présenter dans quelques minutes. On va les présenter, ouais, t'inquiète pas. Et là on écoute le morceau Sur la route maintenant, sur ma route. Sur ma route. Tu touches le fond, il y a peu de gens chez qui tu peux te réfugier. Tu peux compter que sur tes chers parents parce que les amis, eux, disparaissent un par un. Oui, il m'arrive d'avoir le front au sol parce que Dieu est grand et on est seul, on meurt seul. Sur ma route, oui. L'impression que mon cœur en souffre, mais je suis sous anesthésie. Sur mon chemin, j'ai croisé pas mal d'anciens. Ils me parlaient du lendemain et que tout allait si vite. parce que je t'avoue que mon cœur est trop fragile. Je suis comme un pirate naufragé. Oui, mon équipage est plus qu'endommagé. Je sèche mes larmes, je baisse les armes. Je veux même plus savoir pourquoi ils me testent les autres. S'il y a plus rien à prendre, je sais qu'il me reste une chose. Et ma route, elle est trop longue, pas le temps de faire une pause. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Sur ma route, oui, je ne compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Sur ma route. Mars dans les bacs. Sur ma route, oui, yeah. J'en compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Les yeux plus gros que sur le monde. Sur ma route, oui, ah. Y a eu du move, oui. De l'aventure dans le movie. Une vie de route. What it be? Sur ma route, oui, j'en compte plus les soucis. De quoi devenir fou, oui. Une vie de route. Sur ma route. Sur ma route. À l'instant, un des gros morceaux de l'album de Black Eminem. Il y en a plein d'autres aussi hein, dessus, donc n'hésitez pas. Il n'y a que des gros morceaux. Il n'y a que des gros morceaux. Gros morceaux. Dans cet album qui s'appelle Les yeux plus gros que le monde. C'est ça, Fred. Avec Black M, Black Shoot qu'on va retrouver en live. Black Shoot et Mega aussi de Dans le Quartier. Alors, qui nous dit un mot sur Dans le Quartier? Qui se présente pour Dans le Quartier? Qui va venir parler pour. Qui va venir représenter Viens, mon souci? Ah, ça arrive, ça arrive. Il y a un peu de monde. Ils sont nombreux, poteaux. Il y a du monde, ouais. Ouais. Bienvenue. Ouais, bon, bonjour. Salut. Ouais, donc en fait, dans le quartier, nous, on a un collectif, donc de 8 personnes. Donc là, il en manque 2, on est 6. Donc en fait, nous, on fait des petits sketchs, en fait, donc sur la vie en quartier. Donc sur des choses qui peuvent se passer, en fait, dans la vie de tous les jours, mais on tourne toujours ça à la rigolade. Donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube, même sur Google, n'importe, vous tapez dans le quartier. Donc voilà, et on veut passer un gros big up à Black M qui nous a permis d'être là, les yeux plus gros que le monde. Si, mon sou. Tu les suis, tu les regardes. Moi, ouais, je suis tombé dessus par hasard sur Internet, j'ai pété les plombs, ça m'a fait galerie, un truc de ouf. Et par la suite, j'ai vu le petit frère de Gims dans un épisode, Belgique. Et c'est lui qui a fait le rapprochement avec eux et j'ai réussi à les contacter grâce à lui en fait. Vous êtes d'où, vous, de quel quartier, j'ai envie de dire? Donc en fait c'est à Plaisir, en fait c'est le Valibo, ça s'appelle, c'est dans le 78. Mmh. Donc voilà, c'est là qu'on tourne toutes nos vidéos. C'est là où sont tournées les vidéos. C'est ça. Mmh. Bon bah allez suivre Dans le Quartier. Et aussi moi je tenais à dire que on a des rappeurs parmi nous. Mmh. Et ils ont deux rappeurs, c'est ça? Deux rappeurs exactement. Ils sont sur un projet, c'est projet tiens, s'appelle Frénésie. Bien. Voilà, part bien proche, voilà. Le projet s'appelle Frénésie. Et puis bah voilà, on va vous laisser découvrir ça tranquillement. Et bah on aura donc ces deux rappeurs au micro dans quelques minutes. Exactement. Du collectif Dans le Quartier. Et allez cliquer, allez voir les vidéos. Ouais, c'est assez marrant. Allez, vous tapez des bonnes barres, je pense. Ouais, ouais, c'est cool. Dans le Quartier avec nous, en live dans quelques minutes. Juste avant, on fait un tour à Limoges avec Jalal. Salut Jalal. Salut Fred. Ça va bien Jalal? Ça va et toi? Ouais, je te présente Black M, c'est notre invité toute la semaine. Salut Black M, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va tranquillement. Cool. Prêt à rapper Jalal? Ouais, prêt. Allez, c'est parti, session freestyle par téléphone, on y va. Mm-hmm. Oh, il surgit pas les loups. Yeah. Grosse dédicace à Black M. Si, mon sauce. Ça fait. Yep. Seigneur, accepte mes fautes et pardonne celles que je vais commettre. Aucune différence entre mentir et promettre. Peu bavard, ailleurs que sur mon cahier. Flo m'a dit, fais de l'argent si tu veux grailler. J'entends brailler, dehors le diable fait le pitre. Il me prend la main, je l'embrasse après chaque litre. J'évolue, chaque jour un nouveau chapitre. Je pourrais pas loger mon vécu sur un seul titre. Oui, je traîne, je cogite et je tisse grave. Je suis perdu sur les chantiers de la disgrâce. J'ai vaincu ma peine quand la nuit s'amène. Moi, j'ai noyé mes doutes dans le fond d'une Mathusalem. Ça les boîtes, mais si toi, les gens sont fous. Dis-leur que tout va mal et ils te diront on s'en fout face à vous. J'ai préféré la jouer franche. Gamine, ne t'approche pas de moi si t'as rien sous la frange. En journée, j'ai choisi mon côté sombre. Ma fin du monde à moi, c'est faite avant le 21 décembre. Monter ou descendre, j'aurais tout fait. J'ai craché ma rage en studio, j'aurais pu m'étouffer entre la fume et la tise, les embrouilles et la crise. Je suis dans ma bulle et il paraît que dehors ma ville est grise. Appelez-moi si y'a Heja, j'envoie Douma à mes steps. Tu veux rester clean, un conseil évite de bouger les steps. Antitube, fumer que de la vodka et c'est sale blême. Je veux des poules en délire et je me jetterai dans des salles pleines. C'est ça que t'aimes, qu'on s'affiche et qu'on parle mal. Hein. Tu veux durer dans la zic, fais pas le mal. Hein. On remplit nos poches, on les vide aussi vite. On fait la bise en boîte et le jour en ville, on s'évite. Mentalité bestiale, demande à Dias. Je veux la vie de rêve avant de vous dire adios. Si ça suffit pas, je mets les bouchées triples. Je me régale comme quand Ferris part en dribble. Rien d'arrogant, oui, la musique est ma seule drogue. J'ai de quoi vous terroriser en un seul track. Allô la rue, j'ai bousillé mon cahier. J'ai grandi comme j'ai pu, oui, j'ai rappé sans racaille. Et je veux pas finir à la ramasse tout qu'un mec me disobéit. J'ai vu des chômeurs rouler en CDI. Lourd, lourd, lourd, lourd. Fort Jalal, hein. Voilà, très voilà. Bien Jalal de Limoges. Bravo c'est à ça. Toi. Bravo, bravo. Une version remix de J'ai pas les louves. Ouais, carrément. Ouais, bravo. C'est ça. Bah écoute, terrible. Merci à toi, Jalal. On peut te retrouver où, toi, sur le net? Sur le net, sur Twitter, Jalal Musique. Et à partir de là, il y a tous les liens que je balance régulièrement. Jalal Musique, pour aller Jalal suivre Musique. Jalal du côté de c'est Limoges. Ça. Merci c'est à toi, ça. Mon pote. Merci à vous. Et puis, je vais faire une grosse dédicace pour l'album à Black M. Merci, mon sauce. Depuis très longtemps. Donc voilà, grosse dédicace à toi. Merci beaucoup. Et mon tu vas pas être déçu, Jalal. Tu seras pas déçu. De ce que j'ai entendu, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. Ouais, donc c'est cool. Merci. Et encore, t'as entendu du 10%. 10% d'album. A plus. Ciao, Jalal. Salut. C'est l'heure du live maintenant dans Planète Rap. C'est l'heure du live. Est-ce qu'il y a du monde ici? Black Shoot, je vais me tirer parce que je sens qu'ils veulent me manger. Là, ils veulent manger le micro. Ça va manger du micro. Dans le quartier. Dans Black le quartier. Shoot. Black Shoot. On commence avec Dans le quartier. Ouais. En free, ça c'est vous, hein, messieurs, les deux rappeurs de l'équipe de Dans le quartier, du collectif Dans le quartier, c'est ça? Ouais, ouais, c'est nous. C'est comment vos prénoms, vos blazes? Moi c'est Tiger. Moi c'est Bosch. Et bon, on vous écoute maintenant. Ok. C'est parti. HQ et nos platines. Dans le quartier au micro et Black Shoot juste après. Ok. Freestyle. Dédicace à la mif du Valibo. Du Valibo. Au rush. Vas-y, commence. Ah, DJ. Ouais, je t'avais dit la street tout à l'heure, fallait la changer là. Ok. C'est pas grave, je la prends, t'inquiète. Tu te demandes pourquoi je me fais si rare. Ma réponse est, je suis dans la GVD, baby. Grosse, manif, brotte, Valibo, cri, mayday. C'est les premiers à commencer la guerre. Oui. Au final, c'est nous qui la gagnons. Oui. Trop de weed, demande à pied, on vous torpille. C'est la vie, je milite, fais peur aux anges et les jeans. Pose pour ceux qui sortent la tôle en pile, les jeans, je m'impose. Prie, tous les faux fidèles ont foutu le camp. Guidé par mon instinct de survie, je leur pète le crâne. En vérité, ils l'auront mérité d'être dégueu de la sorte. Ouais, nègue, nous sommes maudits, nous sommes. Évite notre périmètre, sois pas bête, on est 3000 ou 500 mètres. Get. J'ai porté mes couilles, porte les tiennes, on est nombreux, je te conseille le thé. Ta tête comme des gladiateurs, on cherche la mort et l'argent du mort. Valibou, Validor, je te connais, tu joues le vénère, mais t'es doux sous tes airs de All Eyes on Me. Tu nous dois du bif, on va te menacer, entrer dans ta zone. On peut te fumer pour le business, car c'est sur ça que l'on mise. Ouais, ouais, ces gars, y'a pas d'autre solution. Je te rends ta calmos en pince. Depuis un bout, toi j'apprends que tu te la coins sous mon blast. Finishing, Bosch. Finishing. Ok, yeah. Valibou, Souls. Hey. Ouais, j'ai la dalle, je vais manger le rap. Me stoppez pas les gars, j'arrive en balle. Me tentez pas les gars, je vais vous faire du mal. Y'a plus de petits et y'a plus de grands. Yeah. Tu me respectes pas, je fais la même, ça te plaît pas. Fais-le moi savoir qu'on se rentre dedans. Les projets sont dans le volcan. En pleine fusion, en préparation. Dans peu de temps, ça va faire éruption. Des traces de pneus vont apparaître sur leurs caleçons. Casson. Salope, fais pas de Timinix. Si je paye l'hôtel, c'est pas pour que tu reposes ton quoi. Amigo, fais pas de Timinix. Si tu sors le brolic, tire sur un terre et tire dans le tas. Personne peut stopper les balles, même pas ma business. C'est là que ça devient dangereux. Quoi qu'il arrive, fais mes jazz en discrétion. Jazz 31, jazz donne la totalité avant que je te baisse. Je suis pas un show, je suis pas une pédale. Pareja, moi je recule pas si je dois néga. Si je me fais fumer, fumez-les. Vengez-moi les gars, vengez-moi les gars, vengez-moi les gars, vengez-moi les gars. Ouais, ok, ok. Nos vrais se connaissent, pas des pistonnés. On te nique ta mère et ça vaut 13 tonnerres. Ennemi, tu veux qu'on se je te défigure que ton daron constate. Qui peut se venger mais retombe son costard. J'ai pas le trac gros quand tu veux, dis-lui quand tu peux. Qu'on s'en garde le contact, j'ai pas peur d'eux. Ça date pas d'hier, j'ai jamais fait de Taïwan. Mais plus de one qui se termine en 1 contre 2. un compte deux. J'dors tranquille, j'guette pas le sort. Monotone et la rue, j'la restaure. Tout en enculant Hutch et Star qui persécuté car j'ai pété le score. C'est énorme, suive entre qui walkie. Des profiteurs, en fait, t'es en vie. Ils n'ont pas l'ami, y'a beaucoup d'ennemis. T'as des nouveaux habits, Tiger Pay, non? Il casse ses couilles car on est hostile. Trop de style et ça depuis des années. Bisex style. Ok. Ouais. Balibou, dans le quartier. Ouais, Balibou, ma gueule. Les jeux plus gros que le monde, allez chercher. C'est ça. Black M. Allez chercher. Ensemble. Allez chercher. 3-7-0, ma gueule. Hein, prenez-y. Bosch, bois janté. Ok, ok, ok, ok. Laissez-moi entendre tous les gars là. Ouais. Ok. Bosch. Bosch. Frenesi. Écoute. Ouais. Bosch, go argenté, tu connais pas. Reste branché, dans peu de temps tu vas connaître. Et garde les gens, meuf, si tu veux connaître. Demande ton tête, garçon, tu vas connaître. Ouais, je fréquente des gars malhonnêtes qui veulent faire du bif, vas-y, donnez la recette. Donnez la recette. Donnez la recette, dites-nous s'il faut sortir les AK-47. Ratata, pour le bif, on vise la tête. Ne nous blague pas, car le taga nous a rendu bête. J'pèse 88 litres, on ne me teste pas. T'es pas encore prêt, petit con. J'suis pas ta catégorie, t'es un macaque. Tu veux qu'on batte un gorille, j'te le dis. Comme un clic-clac, t'auras plus la merde, donnez-le un tic-tac. J'ai le buzz et pas le flow. T'es bête ou quoi? J'ai le d'espèce de merde. Face à moi, tu peux que perdre. Ça lance des pics. Vas-y, continue. Mais si ça me pique, je te nique. Aïe. Et c'est pareil pour ton acolyte. Bande d'alcooliques. Bon, vas-y, bref. Passons, je perds pas mon temps. Je veux m'enrichir, je veux des grands montants. Je veux que les productions de musique m'entendent. Tendez l'oreille, j'en ai gravement d'entendre. Reconnaissez les bons. Faites pas grimper les cons. Le plus rare que je vous donne, c'est du vrai sans du bon. Je fais jamais sans blanc. Je tire pas à blanc. Ça fait rop, pop, pom, pom. Ok. Vas-y, on laisse frapper. Je vais Libo. Frapper le petit Libo. Yeah, bien vu DLK. Libo. Libo. Ouais. Libo. Ouais. Écoute, ma gueule. Dédicace au mec au Carpla. Ouais, ouais. Voilà. Ça fait. Ouais. Ouais. Ça fait, sachez, sachez, Red Bar, plastique, Yankee, et là, Yankee, et là, Condé, détail, saisi, argent, perdu, hélas, perdu, hélas, jugement, prison, les pauvres, dans eux, font la surage, font la surage, ta chatte, je vierge, on a, t'as le con, qui fait l'ouvrage, qui fait l'ouvrage, tu fais le sauvage, sur ta tête, on fait des dommages, ouais, dommage, démaquillant, libo, sperme, ça fait du gommage, mastique, bientôt, ça dans ta bouche, ça peut faire du 4 fromages, 4 fromages, dédicace à Babou. Dédicace à Omar. Omar. Toi, t'es un gadou. Jucette, frasseux, raton, cauchemar. Crimo, brisco, sors le cosma. Ensanglanté, c'est le coma. Été, bécane, moto, Honda. Inséparable comme Timon, Pumba. À la cité, ça baisse des Jumba. Au quartier des poètes, je dédie à Kuba. C'est Libo qui vous aide, qui mourra. Kick ça, ra. Okay. Tu veux que je continue? Okay. Non, gros, je m'arrête. Ok, écoute, Tiger 1. Jette le move, Renoir, Barjos, Pouf, Movie. Pin dans l'oreille, Terre, Scary, Movie. Fais du lourd, bien avant, gorille, vraie story. Pose mes couilles sur Sky et pour de vrai. Pour de vrai, flow, face, homologué. Vrai, t'es rentré dans le texte, ou une connerie du genre que d'entrer dans le rap en faisant le gay. Faisant le gay. Pourquoi persister? Tu es ce négro qui a deux tours d'avance sur toi avant que t'aies eu le temps de le pister ou tester. Rien de difficile, j'fais les fils car j'ai pas accès à la clé du succès sans sucer. J'suis pas numéro 10-10, Valibou numéro 1 dans le bis-bis. Dis pas de sottise, pose pas de sottise, au pire. Dans mon délire, des menaces de mort dont tu n'as pas idée. Comme si Bosch t'en kill. Dessus, si j'ai pas de gun à Manu, ouais, Manny, comme si Bosch t'en kill. Je te blesse dans le brancard, je te laisse, espèce de trima. Check, tu m'écoutes. Ok. Le temps. Yeah, DLK. Normal. Balibou, dédicace à Primo. Dédicace à Meros, t'inquiète. À la MIF, à la maison, 40 régions, tu me connais. Lourd, les mecs, bien vu. Le collectif dans le quartier à l'instant, en freestyle. Ouais, en freestyle, et merci à Black M encore. Et y a pas de soucis, mon. Allez tous pécho, les yeux plus gros que le monde. Les yeux plus gros que le monde. C'est lundi dans les bacs, et puis on ira suivre aussi sur le net les aventures de dans le quartier. En attendant les différentes sorties pour vous. À suivre. On continue la session freestyle avec cette fois-ci Black Shoot. Dur. Black Shoot est appelé Black Shoot, cousin. Glacière, Black Shoot, 1-2-1-2-1-2. Allez, c'est parti quand vous voulez, messieurs. Gimok. HQ au platine. DJ HQ balance le bail. Les MC, ils ont faim. Si, mon gars Canix. Poto, 31 mars dans les bacs, allez le pète. Vous êtes même pas prêts. Dieu. Blue. Black Shoot courant 2014. Black Shoot. On arrive. Le cas, c'est comment? Wesh Tierno. Wesh Unit. Bisco. Wesh Marabou. Wesh Tupac. Wesh Glacière. On va retourner l'endroit. Best is A-T. Tout le monde dit Black Shoot. Tout le monde dit Black Shoot, cousin. Mla, dire. Ok. Moi c'est Sly. Sly. La concu est en dessous de moi. Depuis le début, je sais que t'as le démon. Ta mère en deux mois. Des plantes dans le cœur par mes proches. Au poumon par mes ennemis. Avec le temps, je remplis mes poches. Avec mes gants, je suis dans le mille. Je fais des trucs de base. J'm'en appose au boss. Niquer, c'est la base. C'est pour deux ans, gros, tu fais la base. On nique ta race et on tourne la page. Tu veux tester ça? Non, mais tu joues là. Ne jamais défier la patate d'un ivoirien du là. Quand je pense pas à mon pays, je pense aux filles qui défilent. Ma passion, donc fais gaffe qui tue des filles. Je veux retourner en arrière, mais la vie n'est pas un film. Yeah. Ne laisse pas ta moto, sinon les petits vont faire les filles. Yeah. Ici, c'est nous les rois. Oh. On va retourner l'endroit. Yeah. Tout le monde dit blague, shoot. Tout le monde dit blague, shoot. Tout le monde dit blague, shoot. Tout le monde dit blague, la vie. Tout le monde dit blague, shoot. Tout le monde dit blague, yeah. Tout le monde dit blague, venu t'es parqué. Voilà le flow qui coupe tes artères. Par terre sont des gars, bon conseil, partez. J'ai le flow d'une roue arrière comme d'hab. BKS est venu t'es parqué. Garde tes conseils, on va t'écarter. Sur le ring, le sol est devenu écarlate. On m'a conseillé de me faire discret. Par l'argent dans ma tête, je suis discret. Les ennemis discrets, des rumeurs et les concurrents se distraient. Si tes ennemis font plus de pif que toi, ils se payeront ta tête. Rends tes dettes même pendant le ramadan. Tu te fais agresser, tu retardes une date. Je suis tout petit, mais je suis. On vient même pas faire le grand chez nous. Si tu veux que je te donne un tuyau. T'as juste à te mettre à genoux. Tu l'as compris, on est dans l'espace. On n'entend pas vos messes basses. N'est-ce pas que le flow est lourd. N'est-ce pas les élus, ils ne connaissent pas. Ici c'est nous les rois. On va retourner l'endroit. Ici c'est nous les rois. On va retourner l'endroit. Il faut que tout le monde dise black. Tout le monde dit black. Tout le monde dit black. Tout le monde dit black. J'écris en Italie pour le mal. J'ai un penchant. Descendant d'esclaves, leur chant de canne me force à pêcher. Je pense à ma mort dans mon crâne. Ça tourne pas rond, tête. C'est comme mettre en pente parenthèse. Mec à part entière, à part entière. J'ai une mauvaise expérience, je sais que la rue ne peut plus mentir. Je suis trop flégon, je te laisse jamais en placer. Je suis un mec, stop, je te fume juste pour un geste déplacé. Je suis du père, je fais que me chercher. Je côtoie l'arme dans des sachets. Je t'ai comme un vulgaire déchet. Seul un bout de papier nous déchire. Désormais, je vise le haut, je n'ai qu'une échelle. Je réfléchissais comme un pion. Maintenant, je sais qu'ils sont voués. On a retourné Skyrock. Black. Aïe aïe aïe, Black Shoot. Ça enchaîne encore. Black Shoot, c'est pas fini, poto. Pas fini du tout. Pas fini, poto. Ok. Dieu. Slyri. Ok. Slyri. Slyri. Slyri. Je gratte sous un arbre histoire qu'on me dise que je suis branché. À force. Comme j'ai de l'œil pour l'obscurité, j'ai penché. Igo. Car franchement ce monde est étrange. J'en suis qui tape dans la coque toute sa nuit. Il fait des nuits blanches. Parfois je manque de tact. J'agis sans mettre de gants. Oh. On dit chacun sa voix. Le clochard a choisi son compte. Je t'explique ici on t'esquive. On t'estime pas. On l'ombre les black shoot dans le mille. Mais t'esquive peu. C'est shit peu. On cessera 5 ans. Le son nous rapportera des thunes. Genre plus de 750 millions. Et là on me trouvera mignon. Mais pas pour mon physique. Je serai un plus un physique. Gros c'est black shoot. Gros black shoot. Gros c'est black. Ne parle pas avec nous gros. Blague, shoot. Ne parle pas avec nous gros. Blague, shoot. Eh, hey, je vais quitter la France comme t'as quitté ton esti. T'as trompé, je vais lui rentrer dans le boule. Ça sera esti. Après je vais m'esquive. Pour l'instant je n'esquive. Fais tous ceux qui pensent que notre avenir ne sera pas festif. Eh, hey, la tête m'a rempli les poches mec. J'espère finir dans un tout autre genre de poche mec. J'suis perché à penser à percer. Et les temps sont hyper chers. Ici c'est corsé. J'avais confiance en la France comme un blé d'armée. Elle n'a fait que ma bande qui sait pour savoir faut être armé. Certains tirent et butent, d'autres butent et tirent. Pour la vie d'ici, beaucoup n'ont plus d'estime. En toute modestie, celui qui t'estime. Guantanamo floqué sur le textile. Ça rêve d'une villa au bord de la mer de. Ça vend de la cocktail. Des petits pas, la street est comme tel. Black, shoot, black, shoot. Gros c'est black, shoot, black, shoot. Ne parle pas avec nous, gros. Black, shoot, ne parle pas. Paris, laisse-moi te dire le fond de mes pensées actuelles. Nous voir traîner, deal et voler en vrai, c'est ça que tu aimes. Je sais que t'es une hypocrite et derrière moi tu jacques. Je pèse mes mots devant tes balances car ils connaissent le poids de mes actes. Ce sont les mêmes qui me forcent à poser le mic. C'est l'industrie de la musique et tu peux, je me demande qui est le mic. Zach pour l'argent me laisse un goût amer. Ni porté maintenant je vendrai de la drogue sur le dos de ma mère. Et puis le diable tente, puis tente de me prendre des crues. Je vois rouge quand faut faire des dons du sang pour faire une croix sur la rue. Mais bon, je suis un vrai négro pour rien, je me donnerai entièrement. Pour eux il me manque une casque que je retrouverai lors de mon enterrement. Oh c'est Black Shoot, Black Shoot, gros c'est Black Shoot, Black Shoot. Ne parle pas avec nous gros, Black Shoot. Ne parle pas avec nous gros, Black Shoot. Oh c'est Black Shoot, Black Shoot, Black Shoot. Black Shoot, ne parle pas avec nous gros, Black Shoot. Ne parle pas avec nous gros, Black Shoot. Big up, on a retourné l'endroit. Ouais, pour qui va si, si, on a retourné si, l'endroit. Yeah. Pour mes gars, ouais, ouais, ouais. On a retourné l'endroit. Bleu. Dédicace à Brad. Il y avait à l'instant Black Shoot au micro. Ah les mecs ils sont Ah vous êtes chaud hein les gars. Sauter partout dans le studio lourd. Bien vu. Eh ben merci à vous Black Shoot. Merci, merci à Black Shoot dans le quartier. Merci à vous. Qui était là ce soir en live dans l'émission. Grand grand merci au refrain Black M qui nous a invités. C'est un mec très généreux et son album unique tout. C'est l'album de 2014, achetez-le. Ah ouais, 31 mars dans les packs, mla. Plus gros que le monde. Black Shoot courant 2014. J'ai pas freestylé aujourd'hui, mais sinon ça va chier. Oui, c'est ça, parce que je me disais ce soir, t'as regardé. Non, j'ai laissé. T'as profité. Ouais, j'ai laissé, j'ai profité. Bon, demain, gros live, et juste avant de se quitter pour ce soir, on fait tourner la roulette rapidement, c'est parti. Yes. Skyrock t'offre tes places de ciné Captain America. Nadia de Tourcoing, ça va bien, Nadia? Allô, allô, Nadia. Oui, allô. Bienvenue dans le Planète Rap de Black M, ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Bah écoute, en pleine forme, on a passé une grosse soirée avec du freestyle à l'instant. Et puis toi qui viens faire tourner, on y va, on fait tourner? Ok, y'a pas de... Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, la roulette roule. Et ça va s'arrêter pour toi sur la case, attention, c'est... Et bah voilà, Captain America, le film qui est sorti hier dans toute la France. Et bah c'est pour toi, non pas une ni deux, mais cinq invites. Merci pour aller voir le film Captain America. Merci beaucoup. De rien. Et est-ce que je peux faire une dédicace? Bah vas-y, vas-y, on t'écoute. Alors je vais faire une dédicace à Adem, Nena, Naïma et Malik Leloup le fou le dingue. Le Loulou le dingue le fou. Ok Malik, ça roule. Est-ce que je pourrais avoir un t-shirt qui a été dédicacé Black M? Ah. Excuse-moi, j'ai pas entendu, excuse-moi. Elle veut un t-shirt dédicacé, elle veut l'album dédicacé, elle veut tout en fait. C'est pour mon neveu, c'est pour mon neveu. Oh en plus tu. Oh là là, en plus. C'est pour le neveu si. Wow. Si on va faire un effort. Fred, alors hein. on va essayer de faire un effort. Parce qu'on est à 4 jours de la sortie, que ça se passe bien, que tout le monde est content d'avoir l'album de Black M. Débrouille-toi en même temps avec Fab, négocie avec Fab. D'accord? Oh, merci beaucoup. Je te fais un bisou, ciao, passe une bonne soirée. Merci. Bonne bisous. Soirée, et d'ailleurs, tout à l'heure, on a posé une question. Enfin, j'ai posé une question. Quels sont les featurings et les noms des morceaux dans l'album Les Yeux Plus Gros Que Le Monde? Les réponses sont les suivantes. Girochrome, Dry, Big Ali sur À La Vôtre. Exact. Dr. Berries sur La Légende Black. Exact. The Shinsekai et Doomams sur Je ne dirai rien. Voilà. J'ai oublié personne. Non, t'as oublié personne. Ok, parfait. Donc parfait. C'est... La totale, on peut se dire au revoir et se retrouver demain, Black On M. se retrouve demain avec tout le Watibé voilà. au complet. Voilà. Ça c'est ça. Mais je... demain, voilà. vraiment. T'es pas prêt, Fred. Je suis pas prêt. Faut que j'aille faire une bonne sieste et un bon dodo. Repose-toi bien. Pour être en forme à 20h demain. Ça va être n'importe quoi. Et bah, loupez pas la dernière de ce Planète Rap. On sera à 3 jours de la sortie, même plus. À quelques heures, j'ai envie de dire, de la sortie. Yes, n'oubliez pas, continuez de précommander. Précommander l'album. Chaque fois que tu précommandes, tu reçois un morceau en exclusivité. Merci Black M pour cette soirée, merci à vous tous. Merci à toi Fred. Merci à Quartier, merci à Black Shoot qui était là avec nous. Et à tous ceux qui nous ont écoutés comme chaque soir, on va retrouver D-Fool maintenant. Et oui, c'est parti, la Radio Libre. Ouais, c'est parti, Black M est de retour dans la Radio Libre. Ciao Fredo, demain 20h, 21h, Planète Rap à pas louper. Black M qui revient avec nous dans un instant, le problème du mois, bien sûr, ce soir, parce que c'est jeudi. Et vous tous en direct de toute la France, dès maintenant, 01 53 40 30 20, vous nous appelez, on arrive tout de suite.